Alors, on est peut-être un tout petit peu moins nombreux que d'habitude, mais il ne faut pas oublier que c'est la Semaine Sainte. Et à propos de Semaine Sainte, j'avais justement l'intention de vous parler de la Sainte Famille, qui est la mienne, et plus particulièrement de mon grand-père. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé du grand-père. Mon grand-père, qui était franc-maçon, Rose-Croix, Templier, Fraternité Blanche Universelle, etc., et qui était donc tellement versé dans la connaissance ésotérique, qu'il était capable de résumer en une seule phrase toute la doctrine de la transmigration des âmes avec transfert karmique d'une vie à l'autre. Il disait simplement « Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec la main qui pue ». C'était un esprit fulgurant. Il était très fort, et si fort qu'il a fini par fonder son propre mouvement ésotérique, l'ordre universel et fraternel des adorateurs de l'oignon, qui est plus connu sous le nom du Grand Oignon de France. Je pense que vous avez déjà entendu ce terme-là. Alors, c'était un ordre qui était réservé à l'élite intellectuelle et ésotérique de France, et un ordre qui comportait 144 degrés initiatiques que l'on pouvait graduer en passant successivement des tests et des épreuves qui correspondaient chacun à un des degrés. Ainsi, on pouvait devenir membre du premier degré si l'on était capable de rédiger soi-même, sans l'aide d'un professionnel, sa feuille d'impôt. Le deuxième degré, c'était pour ceux qui étaient capables de comprendre intégralement leur police d'assurance. Le troisième degré, pour les personnes qui étaient capables de savoir avec certitude quelles étaient les réparations effectuées sur leur auto, rien qu'en décodant la facture que leur présentait le garagiste. Vous voyez, ça c'est fort. Et ainsi de suite jusqu'au 144e degré, que vous atteignez au bout de 72 ans, puisqu'il fallait à peu près 2 degrés par année. À ce moment-là, l'hermétisme, l'ésotérisme, l'occultisme n'avaient plus de secret pour vous. Là, vous êtes rendu dans le sacro-saint du mystère, le 144e degré, que vous pouvez connaître et qui vous sera communiqué par le grand maître de l'ordre du Grand Oignon de France. Et ceci, de façon très confidentielle, mon grand-père, à ce moment-là, se penchait sur le dos de son disciple qui était rendu au 144e degré et lui disait « Si tu veux avoir une vie aux petits oignons, occupe-toi donc de tes oignons. » Voilà en quelque sorte résumé toute une démarche ésotérique que certains d'entre vous ont peut-être connue à travers la graduation dans différents degrés. Et c'est maintenant l'avis d'un connaisseur en la matière qu'on voudrait avoir en la compagnie de Monsieur Bernard de Montréal. Cassette de musique, qu'est-ce que c'est ça? Bon. Bernard Morel, on est là ce soir pour traiter un petit peu de la pensée ésotérique. Pas forcément des mouvements ésotériques eux-mêmes, mais du phénomène de l'ésotérisation de la pensée. Et la question qui est souvent soulevée, à travers les discussions, lors des pauses ou après les conférences, les gens se demandent jusqu'à quel point vous-même, vous êtes obligé d'ésotériser votre pensée, c'est-à-dire de réserver une partie de l'information. Est-ce que vous pouvez tout dire? Et sinon, est-ce que ça justifie que vous voiliez ou que vous cachiez une partie de ce que vous seriez capable de donner, effectivement? Moi, je me considère pas un ésotériste. Il resterait peut-être à définir le terme. La connaissance ésotérique, c'est une connaissance qui est révélée par voie orale, verbale, non pas écrite, à un petit groupe de personnes capables d'intégrer cette information.